Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Donc bonsoir les Vosges, bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct ce jeudi 25 octobre à 18h01 précise. Bonjour à ceux qui nous écouteront le lendemain matin en replay de 7h à 8h et aussi bonjour à ceux qui nous écoutent à tout moment pour le podcast. Alors comme je l'avais annoncé sur la page Facebook et aussi hier soir, aujourd'hui on va parler de photographie et on a avec nous un photographe et pas n'importe qui, Vincent Thierry, qui est là avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Lou, bonsoir à tous. Alors, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte, que les auditeurs sachent un petit peu comment je t'ai trouvé. Il y a quelques semaines, j'ai couvert le festival Mon Amour, j'ai fait une émission en amont et je me suis rendue là-bas pour voir un petit peu ce qui se passait. Et tu m'as abordé. Tout simplement. Et on a un petit peu discuté et on s'est dit que, comme tu avais beaucoup de choses intéressantes à dire, on s'est dit que ce serait bien de partager notre discussion avec les auditeurs. C'est bien ça, hein ? C'est absolument ça, oui. on s'aperçoit en fait que le métier de photographe n'est pas très connu, ou il est méconnu. Justement, et pour en savoir plus à ce sujet, quoi de mieux que de faire intervenir un photographe dans nos micros à Radio Gémozo. Et donc, on est là pour parler de toi, toi qui es professionnel. Hein, j'ai bien vu sur ta page Facebook, tu as ton compte, parce que tu as une page Facebook, un compte, un site internet. De toute façon, tout sera indiqué en podcast, en fin d'émission et dans le podcast. Je m'en mêle les pinceaux. Mais voilà, je pense que les auditeurs ont peut-être envie de te connaître un petit peu plus, savoir qui tu es et savoir qui se cache derrière cette voix de photographe. Alors avant toute chose, Vincent, dis-moi, depuis combien de temps fais-tu de la photo ? Alors j'ai fait de la photo gamin, adolescent, donc c'était à l'époque de l'argentique, et j'ai arrêté à l'âge de 20 ans et j'ai repris à presque 45 ans, j'en ai 52 aujourd'hui. Donc, alors que le numérique se développait bien, et donc c'est un ami qui m'a amené dans un club photo. Ce club s'appelle Noir et Couleur, il est situé à Épinal. C'est un club qui a 112 ans, il ne s'appelait pas Noir et Couleur autrefois, parce qu'il n'y avait pas de couleur. Et donc je suis passé d'un matériel assez modeste à un matériel plus évolué, et puis je dirais que j'ai progressé comme tout un tas d'autres personnes, et j'ai exposé régulièrement. On m'a dit que mes photos étaient plutôt pas trop mauvaises, donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Et est-ce que pour ça tu as suivi une formation particulière, ou c'est vraiment au fur et à mesure, sur le tas, que tu as appris tout ça? Non, alors je suis essentiellement autodidacte. Pour être photographe, il n'est pas nécessaire, comme pour être avocat, pour être médecin, d'avoir un diplôme particulier. J'ai des diplômes, j'ai fait une école supérieure de commerce, donc vous voyez, ça mène à tout ou à rien, je ne sais pas. Et non, en l'occurrence, donc j'ai beaucoup appris par moi-même. J'ai appris en côtoyant d'autres photographes. J'ai appris également sur Internet, en regardant ce que faisaient les autres. Et voilà, et c'est à force aussi de faire des photos, de faire des erreurs, qu'on progresse, qu'on en fait de moins en moins, et puis qu'on arrive à un certain niveau. Et oui, pour en être arrivé à un certain niveau, tu as quand même, tu es dans ton activité. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte en tant que photographe professionnel ? Alors, je suis à mon compte depuis le 1er avril 2017, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Ah oui, c'est encore, c'est plutôt frais. Avant, j'imagine, ça semble assez évident, c'était pas ton gagne-pain principal. Non, du tout. J'ai fait des métiers très très très différents. J'ai été directeur de golf. J'ai travaillé dans l'édition après avoir repris mes études. J'ai fait de la transaction de pharmacie. Et puis, je dirais qu'à 52 ans, c'est pas évident de retrouver un job salarié. Je me suis lancé à mon compte. Je suis auto-entrepreneur. J'ai des charges qui sont relativement réduites. Et puis, c'est intéressant. Bon, il faut se faire connaître. Et le bouche à oreille sert pas mal pour ça. On parlera un petit peu plus tard de comment justement les gens viennent vers toi, parce que tu es photographe, tu vas vers les gens, mais il y a aussi des gens qui viennent à toi parce que tu photographies. Alors j'ai vu sur ton site, hein, j'ai fait un petit tour, tu fais plein de choses différentes, mais ça on en reparlera dans quelques instants. Dis-moi, entre le moment où tu t'es lancé dans ton activité, donc le 1er avril 2017, et maintenant, est-ce que tu as réussi selon toi à faire ton trou ? Non, pour l'instant, non. Mon chiffre d'affaires évolue mais pas assez vite à mon goût. Je n'ai pas pignon sur rue, je travaille depuis mon domicile, donc je vais chez les gens, on peut faire des photos chez moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est faire des photos en extérieur. Ça peut se faire en fait à toute saison ou dans des environnements un peu particuliers. C'est aussi bien dans les friches industrielles, ce sera ce samedi matin au musée d'art ancien et contemporain d'Épinal avec un modèle. J'évolue comme ça, j'essaye de me faire connaître comme ça, et par internet ça peut aussi aller assez vite. Donc tu es encore en train de faire ton trou petit à petit, tu es en fait en pleine évolution, donc on va pouvoir aussi constater au fur et à mesure du temps comment tu t'épanouis en fait dans ta profession principale maintenant de photographe. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, alors tu m'as dit que tu as toujours aimé la photo, hein, je pense qu'on va parler aussi technique, parce que tu connais une technique qu'on connaît quasiment plus maintenant, c'est l'argentique, technique que j'ai très très peu exploitée. Mais bon, ça, on n'est pas non plus, on joue pas dans la même catégorie. Mais en fait, si tu as choisi la photo, est-ce que c'est parce que ça exprimait quelque chose de particulier pour toi ? Je dirais que la photo, c'est à la fois quelque chose d'artistique et également quelque chose de très technique. L'artistique n'était pas forcément hyper développé chez moi. J'ai pas fait des études artistiques, c'était pas une évidence. Des gens qui me connaissaient depuis des années, qui m'ont vu récemment quand ils ont appris que j'étais photographe, étaient relativement surpris. Et puis ça nécessite aussi de la technique. Alors ça c'est assez mathématique. Hein. On joue sur trois facteurs. On joue sur la vitesse, sur le diaphragme, sur la sensibilité. À partir de ça, on travaille sur la lumière. La photographie, photographier, c'est dessiner avec la lumière. C'est une très très belle phrase qui m'a limite scotchée. La photographie, même en soi, tu disais, c'est un art avec lequel on scotche la lumière, et c'est pas forcément, j'imagine, un art qu'on peut exercer de manière solitaire. Non, il y a des gens qui parfois, pourquoi pas, avec un smartphone, avec un appareil très bas de gamme, peuvent sortir quelques photos, pourquoi pas, assez correctes, mais il faut de la technique pour aller plus loin. Si un cadrage est parfait mais que la vitesse n'est pas bonne ou le diaphragme n'est pas bon, c'est-à-dire que, par exemple, si tout est net dans une photo, on ne sait pas trop où regarder. Donc, comment faire en sorte que le sujet soit net et que devant, derrière, ce soit moins net ? Là, il faut avoir quand même quelques notions de technique pour ça. Quelques notions, oui, comme tu le disais, ça demande en fait beaucoup de prendre en compte beaucoup de paramètres. Ça doit être quelque chose d'assez compliqué, en fait. Pas tant que ça. Moi, je donne quelques cours de photos. Ça fait partie de mes, enfin, des choses que j'aime faire. Moi, j'ai fait de la photo il y a très longtemps, donc j'ai retrouvé très vite les bases. Mais en effet, il y a des gens qui viennent, qui ont 30, 40 ans, et qui viennent avec leur premier appareil photo, vrai appareil photo. Et quand on leur parle de vitesse, de diaphragme, de sensibilité, ils regardent en l'air, ils ne comprennent pas. Donc c'est des notions qu'il faut leur faire comprendre. On utilise des comparaisons, et puis bon, en général, non, ça peut aller assez vite. Au club Noir et Couleur, on accueille aussi bien des gens qui font de la photo depuis quelques temps que des débutants complets, et on arrive à faire en sorte que ces gens, au bout de quelques mois, présentent de bonnes photos et exposent avec d'autres photographes plus confirmés. En parlant d'exposition, est-ce que toi, tu exposes ? Oui, alors j'expose deux fois par an avec Noir et Couleur. Autrement, début 2018, j'ai fait une exposition. Non, pardon, début 2017, j'ai fait une exposition à la galerie du Bailly à Épinal, ainsi qu'une autre exposition à Rambervillers. J'expose régulièrement dans des restaurants. J'ai exposé là à deux reprises et je vais exposer de nouveau dans deux semaines dans un restaurant d'Épinal. Je peux le citer ? Oui, tu peux, je voilà, pense. Voilà, le Bistrot Gourmand. En plus, c'est une très bonne table. Et également, j'expose alors demain, mais alors uniquement demain, donc ça va être hyper éphémère, à l'auditorium de la Louvière, parce qu'en fait, j'ai participé à un projet collectif. Une pièce de théâtre dont la personne qui la met en scène s'appelle Amélie Armao. Elle avait vu mes photos, elle m'a demandé de collaborer. Donc c'est un travail qu'elle fait avec des comédiens amateurs et des comédiens amateurs réfugiés, donc des personnes, pour certains qui parlent à peine français. Et le spectacle sera donné demain à 19h à la Louvière. Et de mon côté, j'ai réalisé 14 photos de duo. Donc j'ai photographié 28 personnes en 14 poses. Et ces photos sont exposées à la Louvière demain sur un très beau papier mat. Et j'espère que ça plaira. Je l'espère de tout cœur pour toi, pour cette exposition éphémère. Donc les auditeurs ont entendu, j'en suis sûre, si on veut voir un petit peu ton travail, c'est seulement demain, vendredi 26 octobre, à partir de 19h hein. À partir de 19h, voilà. Donc avant, pendant et après le spectacle. Au Théâtre de la Louvière d'Épinal. Voilà, comme ça, je ne me trompe pas, pour voir en fait un petit peu ce que tu fais, en plus de ceux qui pourront faire un tour sur ton site qui sera indiqué, je le rappelle, dans le podcast de l'émission. Et oui, comme on le disait, hein, le métier de photographe, c'est pas forcément quelque chose de très évident. On reviendra, ou non, je sais pas si c'est nécessaire de revenir sur les définitions, mais en fait, je pense qu'on va se centrer un petit peu plus sur ton travail à toi. Mais contrairement à ce qu'on te croit, c'est pas forcément matraquer systématiquement tout ce qui bouge. En parlant de matraquer, t'as proposé une pause musicale qui s'intitule Bang Bang My Baby Shut Me Down de Nancy Sinatra, qu'on s'écoute maintenant et on se retrouve juste après. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir ou interagir avec nous, n'hésitez pas à tout instant à appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo. J'ai d'ailleurs reçu un message, on a un bonjour de Zolveig de l'Alsace, donc merci beaucoup de t'être manifesté, ça fait plaisir de savoir qu'on nous écoute en Alsace. Comme je le disais, on est toujours avec Vincent Thierry, photographe à Épinal, hein, et on est là pour montrer un petit peu l'étendue de ton travail, de ce que tu fais, de ce que tu sais faire. Et justement, comme je t'ai dit, ou comme j'ai dit plus tôt, je t'ai rencontré au festival Mon Amour, parce qu'il y a une chose que tu fais entre autres, c'est photographier des mariages, mais on parlera aussi des autres événements que tu photographies. Voilà, à ta disposition. Donc oui, avant toute chose, déjà comment ça s'est passé pour toi le festival Mon Amour ? Alors en fait, moi je suis venu surtout pour rencontrer des acteurs autour du mariage, donc des différents professionnels, et pour échanger avec eux, faire connaissance, et également rencontrer éventuellement quelques futurs mariés et proposer mes services. Et comme, oui, toi tu gravites dans ce monde-là, on en a parlé un petit peu dans l'émission Mon Amour, d'ailleurs, si Romain et Pauline m'écoutent, je leur passe le bonjour. Donc, on s'est déjà rendu compte que tout ce qui gravite autour du mariage, et ça j'ai aussi fait un petit tour pour me faire une petite idée, contrairement où on dit, pour voir si effectivement l'organisation d'un mariage coûte cher. Il faut savoir aussi que même en tant que photographe, hein, tu as une certaines grilles tarifaires qui, si on ne sait pas ce que tu fais derrière, on peut se dire « waouh, c'est cher ». Oui, alors ça peut paraître cher, mais je vais parler de mon cas. Je peux réaliser ou non, en général, ça c'est cadeau, quelques photos pour préparer le faire-part, mais sur site, le jour du mariage, souvent on photographie les préparatifs des mariés, la cérémonie donc à la mairie, très souvent à l'église. Quand c'est à l'église, il y a des conditions de luminosité qui sont très difficiles, donc qui nécessitent quand même un matériel relativement onéreux. Il y a les photos du couple. Donc ça c'est vraiment très très très important et j'insiste vraiment sur le fait que le couple doit se rendre disponible pendant au moins une heure pour le photographe parce que de toute façon le photographe ne pourra pas prendre ce que le couple ne pourra pas lui offrir. Ensuite il y a des photos de groupe, il peut y avoir des photos après lors de l'apéritif et puis ça peut suivre lors de la soirée, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que moi par exemple, si je passe 7 heures sur un mariage, je vais faire 400 ou 500 photos. En général, on va sélectionner 120, 150, même peut-être un peu plus. Mais pour retraiter, par exemple, 150 photos, donc les rendre belles, les optimiser, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, le noir et blanc étant ma spécialité, eh bien pour faire 150 photos, j'ai au moins... Allez, 10 heures de travail. Je retraite dans le meilleur des cas 15 photos à l'heure. Donc, je dirais 7 heures plus 15 heures, ça fait 22 heures. Et les tarifs, ça dépend des personnes, ça dépend de pas mal de choses. Mais bon, ça peut être 6, 7, 800, 1000 euros. Voilà. Donc, mais rapporté à l'heure, c'est pas tant que ça. Et on a des charges. Tu as des charges, comme tu as dit, et ça c'est pour le moment où tu as pris les photos, le moment où tu les as traitées. Il y a autre chose aussi, si j'ai bien compris avec toi, en discutant avec toi, c'est qu'une fois que les photos ont été envoyées aux mariés, ils en sont définitivement propriétaires. Voilà, c'est-à-dire que certains photographes, et ils ont tout à fait le droit, ne vont donner aux mariés que des photos en basse définition, et chaque fois que les mariés voudront un livret de mariage ou voudront des tirages, ils devront absolument repasser par ce photographe. C'est une façon de travailler. En ce qui me concerne, je délivre les photos en basse définition et surtout en haute définition, et après les mariés en font ce qu'ils veulent. Je leur cède les droits et ils peuvent effectuer des tirages chez moi ou ailleurs, demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Voilà, donc en ce qui me concerne, les frais s'arrêtent là, sauf si, évidemment, s'ils veulent des tirages. Mais je les libère, il n'y a absolument aucun piège. Et comme on le disait, oui, si tu photographies entre autres des mariages, et on a déjà parlé de grille de tarification, donc tu as dit de 600 jusqu'à 1000 euros pour certains, en mettant bien en avant aussi le travail que ça représente derrière quand même, il ne s'agit pas juste d'appuyer sur un petit bouton, mais il n'y a pas que les mariages que tu couvres, hein, j'ai vu que tu fais d'autres choses, entre autres des naissances ou je crois des événements artistiques, c'est bien ça? Voilà, c'est-à-dire que j'essaye de couvrir de nombreuses choses, donc ça peut être en effet des événements familiaux, donc des émotions, ça peut être des portraits, c'est un cadeau qui est très très sympa, plutôt que de venir avec des fleurs ou une bouteille, pourquoi pas offrir un shooting. Je couvre aussi des reportages, j'effectue des prestations pour des entreprises, pour des associations. Je parlais tout à l'heure de restauration. Moi, j'aime photographier, par exemple, des lieux. Ça peut être des hôtels, des restaurants. Ces établissements ont besoin de proposer, de montrer vraiment de belles images de leurs installations. Et ce n'est pas toujours le cas. Et puis, la photographie culinaire, c'est une pratique que j'apprécie aussi. Et quand on peut goûter, c'est encore mieux. Donc en effet, tu touches à beaucoup, et s'il y a une chose que tu as omis de dire, parce que moi j'ai quand même une de tes cartes de visite sur laquelle on voit un ours brun de dos, tu fais aussi de la photo nature, hein ? Voilà, alors je ne suis pas un photographe animalier, je j'aime faire des photos dans la nature, je suis allé une fois en Slovénie où j'ai pu photographier des ours donc en liberté. Je ne suis pas du tout expert en la matière. J'ai un matériel qui est correct pour faire de la photo de nature, mais bon, c'est pas le matériel optimal pour ce type de photo. Je suis très très très très très loin d'un Vincent Munier, par exemple. Mais ça ne t'empêche pas de faire des photos qui rendent bien, hein, pour les auditeurs, si vous voulez aller voir, hein, allez faire un tour sur le site vincentthierry.com, un seul R à Thierry d'ailleurs, où vous pouvez voir les différentes choses que Vincent fait. Et comme tu le disais, tu as une spécialité quand même, la majorité des photos que tu fais sont en noir et blanc. Oui, le noir et blanc, c'est ce qui est le plus beau. Je vous invite à faire l'essai. Mettez une photo couleur à un mur, au bout de quelques temps, on a envie de la changer. Une photo noir et blanc, on peut presque l'oublier, c'est toujours superbe. Alors après, le noir et blanc, ça se travaille. Un vrai beau noir et blanc, bien contrasté, etc., c'est pas facile. C'est pas en un clic qu'on obtient une photo noir et blanc, c'est plus difficile à réaliser qu'une photo couleur. Mais ça t'a pas empêché de le faire, hein, vu que ça, comme tu l'as dit, pour toi, c'est plus esthétique aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui, oui, oui, moi je trouve ça plus esthétique, plus classe. Pas forcément pas toujours pour de la photo de nature ou animalière, mais pour photographier les gens, par exemple. Ouais, moi je trouve ça vraiment superbe. Et pour toi, est-ce que ça donne aussi une différence d'expression entre la couleur et le noir et blanc ? Enfin, il en ressort peut-être pas la même chose ? Je ne saurais dire. C'est-à-dire que je conseille toujours aux gens, quand ils doivent choisir un photographe, je leur dis, regardez ce qu'il fait. Avant de discuter tarif ou quoi que ce soit, allez voir ce qu'il fait. Voyez son style. Alors, il fait de la couleur, il fait du noir et blanc. Ça vous plaira, ça ne vous plaira pas, mais il faut déjà accrocher à ce niveau-là. Et en effet, oui, ma spécialité, c'est le noir et blanc. Enfin, c'est ce que je préfère aussi. Et oui, de toute façon, c'est ce qu'on voit bien à travers ton site, ta page Facebook, tout ce qui sera indiqué, bien entendu, en podcast avec l'émission. Mais s'il y a aussi autre chose dont je voulais qu'on parle brièvement, c'est le club que tu as intégré, le club Noir et Couleur. Ça fait longtemps que tu es dedans ? Je suis revenu habiter à Épinal il y a 6 ou 7 ans, donc je dois être au club depuis 5 ou 6 ans à peu près. Au niveau de l'activité photo, on doit être une cinquantaine de membres à peu près. Donc c'est un club qui est assez actif, avec des personnes qui sont là depuis très très longtemps et d'autres qui débutent la photo. Il y a des échanges intéressants, parfois quelques petites frictions, mais on n'est pas toujours d'accord, c'est normal. Mais sincèrement, je pense que toutes les personnes qui sont au club peuvent dire qu'elles ne seraient pas au niveau où elles sont actuellement si elles n'étaient pas allées au club. Donc ça leur permet d'évoluer. Toi aussi, ça t'a permis d'évoluer aussi à ton tour. Ah, absolument. Oui, oui. Là, pour moi, ça a été considérable. C'est-à-dire que jamais il n'aurait été question de me lancer dans la photo professionnelle si je n'avais pas acquis certaines bases, et notamment via ce club. Alors ça peut être... on peut faire des lectures de photos, on peut parler de tel ou tel cours. Là, par exemple, la dernière fois, on a parlé de l'éclairage, et notamment en studio. Mais on apprend beaucoup des autres. On fait des sorties en commun, on se montre nos photos, on en discute, et vraiment il y a une imprégnation, et on arrive à progresser comme ça, même si chacun garde son style propre. Chacun garde son style, comme tu l'as dit, et toi ton style c'est le noir et blanc, un style sur lequel on pourra encore revenir après la pause musicale suivante intitulée Back to Black de Amy Winehouse. Décidément ce sont des pauses bien choisies, bien thématiques, donc on s'écoute Amy Winehouse et on se retrouve juste après sur le 107. Shame, oh shame, babe. Me Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez à l'instant écouté le morceau Back to Black de Amy Winehouse. Si vous voulez réagir à l'émission, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous envoyer un message sur notre page Facebook Radio Gamozo. On est toujours, hein, comme on le disait, dans une ambiance noire et blanc à travers l'objectif de Vincent Thierry, photographe à Épinal. Et justement, hein, on parlait effectivement de ta passion et de toi, ta préférence pour le noir et blanc. Et on a parlé, oui, de plein de choses, hein, déjà. J'essaie de réfléchir, mais c'est un petit peu difficile de faire le fil dans la tête, vu qu'il y a tellement d'informations qui ont déjà été brassées, mais il y en a encore d'autres à brasser. Et je vais peut-être aussi répondre à certaines interrogations que les auditeurs peuvent se poser en faisant un petit tour sur ton site. Donc, parmi les choses que tu fais, j'ai vu que tu fais aussi, tu as fait pas mal de body painting. Alors, avant toute chose, est-ce que c'est une passion artistique pour le nu, parce que le body painting, c'est une forme de nu. Oui, alors j'aime photographier les gens, j'aime photographier les femmes. Quoique ma plus belle photo cette année, c'est une photo d'homme, voilà. Jérémy, si tu m'entends. le nu, alors que ce soit en peinture, en sculpture ou en photo, c'est une discipline parmi d'autres. C'est quelque chose de... bon, voilà, ce n'est pas sale. Et même si, ça peut choquer, et puis je dirais que, notamment sur Facebook, on fait la chasse au nu. Moi, c'est quelque chose que je trouve très beau et que je trouve moins typé, moins exacerbé, moins connoté que la photo sexy en sous-vêtements. Par exemple, je trouve le nu plus pur que des photos en sous-vêtements. Donc bon, le nu, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors, pour ce qui est du body painting, en fait, j'ai entre guillemets profité un petit peu d'une occasion. Donc c'est les Imaginales d'Épinal qui accueillent chaque année donc la rencontre Body Painting France, organisée par Christophe Zwicklar, qui est un ami d'ailleurs, que j'ai photographié il n'y a pas très très longtemps. Et donc cette rencontre permet à des artistes, maintenant une trentaine chaque année, différents, qui viennent de toute la France, de se retrouver vraiment dans une très très bonne ambiance, en partenariat avec des modèles, beaucoup de femmes, mais il y a quelques hommes également. Et puis il y a ce partenariat également avec des coiffeurs et des photographes. Donc on a besoin les uns des autres. De toute façon, le body painting, quelque part, s'il n'est pas photographié, il disparaît à la douche. Donc il n'en reste pas de trace. Donc il y a un besoin des photographes et qui chacun à leur manière vont essayer de rendre les choses belles, mais chacun encore une fois à leur manière, avec leur style. Donc moi, je profite de cette occasion pour trouver vraiment de jolis sujets, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui sont peints vraiment sur le corps, vraiment de superbe façon. Je connais des photographes qui tournent en France et ailleurs pour photographier du body painting. Moi, personnellement, j'en fais une fois par an lors de cette rencontre. Donc j'aime beaucoup ça, mais j'en suis pas complètement fou. Enfin, c'est pas ma seule activité. Et là, en effet, on arrive à faire de jolies photos. Et oui, comme tu l'as dit, hein, tu as participé quand même plus d'une fois, si j'ai bien compris, à la rencontre Body Painting France, donc RBF, avec les Imaginales. Donc, est-ce que ton métier de photographe, ton activité, on va dire, parce que c'est vrai que ton métier, c'est depuis avril 2017, donc, comment dire, c'est une espèce de rouage qui ne s'est pas fait l'un sans l'autre. Est-ce que ça a amené à certaines collaborations, certains partenariats qui viennent régulièrement ou, est-ce qu'il y a des partenaires, des personnes avec qui tu travailles régulièrement ? Alors, il y a ce qu'on appelle des collaborations. Je connaissais le mot, mais je ne savais pas en quoi il consistait en photographie. Donc, une collaboration, c'est, alors en général, c'est régi par un contrat écrit. Une collaboration, c'est un contrat, enfin, un travail entre un photographe et un modèle. Et donc, je dirais que le photographe ne rétribue pas le modèle et le modèle ne rétribue pas le photographe. Chacun y trouve son compte. Donc, le photographe travaille son art, peut montrer ensuite de belles photos et le modèle peut compléter son book. Et voilà, donc chacun y trouve son compte. Et donc, je fais des photos comme ça. J'ai dû photographier, donc alors j'en faisais plus quand j'étais amateur. Maintenant, je me restreins un petit peu, mais j'ai dû photographier en 5 ans, allez, 60 de modèles. Ah, quand même. Et dis-moi, le fait de voir régulièrement des modèles, parce que tu as fait, bon, mis à part le body painting qui est un moment à part, hein, le fait d'avoir des modèles qui viennent plus d'une fois, parce que j'ai vu que tu as des modèles qui sont venus plus d'une fois auprès de toi, est-ce que ça permet de créer une complicité et de faire évoluer la relation modèle-photographe et aussi par conséquent la qualité de la photographie et ce qu'il en ressort, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qui ressort de tes photos. Oui, alors je dirais que ça dépend un petit peu. Avec certains modèles, ça peut aller très très vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure, vraiment, on arrive à des échanges et à des résultats vraiment très très intéressants. Alors souvent, pendant les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, on se recherche, c'est comme pour un début de match. Une personne avec qui j'ai fait vraiment une très très bonne photo, je crois que c'était la deuxième ou troisième photo de la série, souvent il y a une centaine de photos qui sont prises, c'était avec une personne qui se prénomme Sophie et qui avait fait le cours Florent. Donc une personne qui avait une formation d'actrice, donc qui savait très rapidement se mettre en condition pour donner beaucoup d'elle-même. Alors après, en effet, il y a des relations de confiance qui peuvent s'établir, notamment par rapport à des photos déshabillées. Ça nécessite parfois, parfois il n'y en aura jamais, parfois à la première séance c'est possible. Ça dépend vraiment des personnes, et de toute façon il ne faut pas forcer, il faut que ce soit complètement accepté. Et je dirais que quand c'est dans le cadre d'une collaboration, ben le modèle doit s'attendre à ce que ses photos soient montrées. C'est pas fait pour rester caché. En revanche, quand ce sont des photos pour une prestation privée, un shooting privé, bon ben là la personne qui a posé devient propriétaire des photos, et évidemment moi je ne les montre pas. Donc ça c'est concernant les shootings et le fait que c'est vrai, comme tu l'as dit, ça peut être compliqué d'accepter de montrer ou non son image, mais bon, ça je pense que c'est quelque chose de convenu clairement entre le photographe et le modèle, mais comme on le disait, pour ce qu'on voit, pour ce qui en ressort, je pense que tu as une certaine marque de fabrique. Alors est-ce que tu peux dire aux auditeurs quelle est ta marque de fabrique à toi? Ah, mes secrets. Alors, ce que j'aime tout d'abord par rapport à l'environnement, enfin, ce que je n'aime pas plutôt, je n'aime pas les photos en studio que je trouve assez froides, assez artificielles. Moi, ça ne me convient pas. Donc, j'aime déjà trouver un environnement en complément au modèle, au thème abordé. Donc, ça peut être dans une usine abandonnée, ça peut être... en pleine nature, il y a tout un tas d'endroits différents. Ça peut être dans le centre d'Épinal, près de la passerelle Pinot, etc. Enfin, on trouve des endroits, et surtout, j'en parlais tout à l'heure, j'isole énormément le sujet, donc en utilisant vraiment ce qu'on appelle des grandes focales, donc des focales fixes, qui permettent d'avoir de la netteté vraiment sur le sujet, et de façon à ce qu'il y ait du flou devant, derrière. Donc ça donne quelque chose de, pas forcément de magique, mais enfin disons qu'une sorte de, de dimension un peu 3D et je voilà, c'est ouais, ça doit être peut-être un peu ça ma marque de fabrique. D'autres le font, hein. Je suis surtout pas le seul à procéder comme ça, mais j'ai vraiment besoin d'isoler mon sujet. Ou ça peut être une partie du sujet, hein, et notamment par rapport au nu, ça peut être une partie du corps, et puis le reste s'estompe doucement. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que tu essaies de faire ressortir, sans compter aussi, j'imagine que ça ressort aussi beaucoup avec le noir et blanc, l'émotion, je pense que ça se transmet ou ça transparaît beaucoup dans les photos de mariage et de naissance. Hein. On n'a pas trop parlé des photos de naissance, mais je pense que c'est un sujet intéressant. Oui, alors c'est un exercice qui n'est pas très très facile, il faut déjà être patient, c'est comme pour photographier les animaux, on peut pas dire au bébé, tiens regarde là, ouvre les yeux, ferme les yeux, mets-toi comme ça, etc. Donc il faut, bon, ça nécessite souvent de nombreuses prises, mais c'est sympa, puis bon, c'est très émouvant par rapport au jeune enfant, par rapport aux parents, c'est un bon exercice. Et puis, je dirais, moi, j'ai besoin de... Enfin, il y a des photographes très spécialisés. Moi, j'ai besoin de travailler sur différents thèmes. Tu as, besoin de travailler sur différents thèmes. D'ailleurs, on peut peut-être les lister rapidement, quoique tu en as beaucoup. Hein. Je vois, tu fais des mariages, des naissances, tu fais des reportages aussi, je vois. Enfin, du moins, là, j'ai ton site sous voilà, les oui. yeux pour vulgariser un petit peu. Des reportages, je fais des photos immobilières. Donc, j'ai parlé de photos pour des restaurants, des hôtels, de la gastronomie, Non, il n'y a presque pas de limite. Non, en effet, il n'y a presque pas de limite. Hein. Tu ouvres vraiment ton art au plus de monde possible pour, je pense, te diversifier, non ? Est-ce que c'est peut-être ça le but ? Oui, mais c'est comment dirais-je ? C'est pas pour ouvrir le panel de mes activités et dire je fais ça. C'est vraiment, ça correspond à mon caractère. J'ai besoin de toucher à différentes choses. Par exemple, j'en parle souvent à des photographes animaliers. Je leur dis, moi, je ne pourrais pas faire ça tous les jours, parce que c'est dur, c'est frustrant. De même, faire uniquement des portraits, il y a des moments où on veut faire des choses un peu différentes, donc il y a ce réel besoin chez moi, mais qui n'est pas c'est pas pour m'ouvrir à plein tout un tas de choses par obligation, c'est vraiment parce que ça correspond à mon caractère. Ça correspond, oui, à ton caractère, comme tu le disais, de te rendre en fait à des endroits, de prendre sur le vif. Donc en fait, la question de rester ou de partir ne se pose pas. C'est d'ailleurs le titre de la dernière pause musicale qu'on va s'écouter ce soir, Should I Stay or Should I Go de The Clash, qu'on s'écoute maintenant et on se retrouve juste après. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. don't want me, set me free. Say when you get us, you come in. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Et vous êtes de retour sur Radio Gemuzo 107FM pour cette dernière partie de l'émission L'Heure des Loups. Vous avez à l'instant écouté le morceau Should I Stay or Should I Go du groupe The Clash. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez réagir avec nous, c'est par téléphone et 03 29 62 40 40 ou via notre page Facebook Radio Gemuzo. On est toujours avec Vincent Thierry, photographe, qui a partagé sa passion depuis très longtemps, je crois même depuis l'enfance, je crois. Si je reviens, enfin non, l'adolescence c'est là où c'est le plus venu, si je voilà, disons qu'il bien. Il y a une pause quand même relativement longue, et puis je suis revenu avec le numérique. Et l'avantage de la photo numérique, c'est qu'on voit directement sur l'écran le résultat. On peut corriger des choses, donc ça c'est bien. Ça n'a plus les mêmes coûts que je dirais qu'avec les pellicules, même si en effet du bon matériel de photos ça coûte encore pas mal. Donc toi, si je te suis bien, tu préfères le numérique à l'argentique? Oui, complètement. Bon, alors c'est parfois, allez, je vais être méchant, c'est parfois un petit peu snob. Il y a des gens qui se mettent ou qui se remettent à l'argentique, mais je pense qu'on va nettement plus loin maintenant avec du numérique, et puis ça permet également de retraiter les photos de façon quand même très efficace. Or en argentique, dans les labos photo, là c'est vraiment, enfin certains le font bien, mais c'est très très compliqué. Enfin, c'est, pour moi, c'est inaccessible. Je peux bien l'entendre, je veux bien le comprendre, mais dis-moi s'il y a un auditeur ou une auditrice qui aimerait peut-être faire appel à toi. Est-ce que tu pourrais lui dire comment c'est possible? Parce que bon, tu vas vers les gens, mais les gens viennent aussi vers toi. Oui, alors c'est l'avantage maintenant, parce que je suis bien présent sur Facebook, j'ai un site internet, il y a le bouche à oreille. Et il y a simplement des gens, c'est du vécu, hein, ça s'est passé il y a 2 semaines à peu près. Une personne m'a contacté, m'a téléphoné depuis Tours, donc c'est une personne qui va se marier dans les Vosges. Une partie de la famille doit être dans les Vosges, donc qui se marie dans les Vosges au mois de juillet. Et cette personne m'a dit, écoutez, on veut trouver un photographe sur place. On a fait le tour des sites internet, alors je ne sais pas si ils sont passés par les pages jaunes, par Google ou que sais-je, donc ils ont trouvé les différents sites internet de photographes du secteur, et puis ils m'ont dit, vos photos nous parlent, c'est clair, c'est avec vous qu'on veut travailler. Bon, ça fait toujours plaisir. Oui, donc comme tu le disais, et là aussi c'est je pense qu'on peut en parler, important, le choix du photographe pour un événement en particulier. Oui, moi je pense que c'est vraiment primordial. Avant de discuter de prix, de choses comme ça, et encore, bon, on en a parlé tout à l'heure, il faut comparer à prestations égales, mais déjà il faut que le travail du photographe vous plaise. Il faut que vous y retrouviez. Si vous trouvez que les photos, sont à peu près propres, mais qu'elles sont communes, enfin ça ne vous correspond pas, bah faut aller vers un autre photographe. Le choix existe, mais il faut bien s'entendre, il faut le rencontrer, il faut discuter, il faut lui faire part de vos choix, de vos goûts. Par exemple, j'ai eu des mariés, eux m'avaient trouvé, donc ce qui avait fait la différence, c'est qu'ils avaient vu que j'avais fait des photos en urbex, donc dans des lieux abandonnés, et ils m'ont dit ah ça on aime, on achète des bouquins là-dessus, on regarde les photos là-dessus, et ce qu'on aimerait c'est faire notre shooting, donc non pas le jour du mariage mais quelques jours après, dans un lieu abandonné. Et on l'a fait, et ils étaient enchantés, on a fait vraiment des photos très très sympas. Et puis c'est sympa pour le photographe aussi, enfin ça change du quotidien, c'est mieux que de faire des photos lambda au bord de l'étang, voilà. Le plus simplement du monde, donc je pense que le conseil de la soirée pour ceux qui cherchent un photographe pour un événement, hein, donc mariage, naissance ou autre, hein, je pense, c'est vraiment de se renseigner via les sites, hein, comme tu le disais, mm-hmm. Maintenant avec Internet, tout est accessible, on peut vraiment avoir un bon aperçu sur sur le travail des différents photographes et discuter avec, c'est important, pour vraiment avoir des photos uniques, des photos de caractère, parce que c'est comme ça que tu définis tes photos à toi, des photos de caractère. Et oui, pour ceux alors qui veulent peut-être en savoir plus sur toi, je pense que c'est peut-être le moment de transmettre tes sites internet et pages Facebook. Voilà, donc on peut me trouver sur Facebook, Vincent Thierry Photographie, donc là pour les photos un petit peu plus artistiques, Vincent Thierry Photographe, donc pour l'activité professionnelle, et surtout mon site internet, donc vincentthierry.com, Thierry avec un seul R. Là où où c'est vraiment possible, hein, de voir tout ce que tu fais. Et je pense qu'on a presque tout vu. Non, mis à part peut-être rappeler à nouveau ton actualité, vu que tu as une actualité vraiment imminente pour le vendredi 26 octobre. Donc, Expo éphémère à Épinal. Voilà, Expo éphémère demain à 19h à La Louvière. Donc vous pourrez m'y rencontrer, évidemment, me poser des questions, discuter autour des photos qui ont été prises, et le thème de ces photos, donc qui est le titre du spectacle, c'est Regard au pluriel. Regard qu'on aura hâte d'en voir plus, et c'est aussi une expo, comme tu as dit, hein, d'un côté le spectacle qui s'appelle Regard, et toi qui as posé ton regard de photographe, tu as posé ton regard sur les différents protagonistes qui apparaîtront dans le spectacle, ou encore? Voilà, absolument. Alors ça a été un travail assez rapide, donc les personnes arrivaient deux par deux, de façon complémentaire. Il y avait des garçons, des filles, des grands, des petits, des blondes, des brunes, des noirs, et assez vite, il fallait trouver quelque chose à montrer. Donc bon, ils avaient un petit peu ça en tête. Donc on discutait. L'essentiel, c'est du marketing. C'est connaître, analyser les besoins, savoir ce que veulent faire les personnes. Et puis en fonction de ça, on propose, on fait des essais, on fait une photo, deux photos, trois photos, on regarde. Ça c'est bien. Hein, on pourrait prendre ça de la première, ça de la deuxième. Et puis on en fait une nouvelle, on valide, et puis ensuite je retraite la photo, évidemment en noir et blanc, et en espérant que ça plaise. En espérant que ça plaise, on te le souhaite de tout cœur pour, je le rappelle, l'exposition éphémère, hein, qui aura lieu juste demain soir au Théâtre de la Louvière à Épinal, là où on pourra te voir. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas l'occasion, hein, de passer à Épinal, page Facebook, site internet qui seront indiqués dans le podcast. Et d'ailleurs, je crois qu'on a fait quasiment le tour de la question pour l'émission de ce soir, à moins que tu aies une dernière chose à dire à nos auditeurs que j'aurais peut-être omis de te demander, parce que Mademoiselle Tête de Linotte, bonsoir. Simplement, avoir du bon matériel photo, ça aide, mais c'est pas tout. On peut avoir un très très bon matériel et ne pas savoir faire de photos. Et également, il faut se dire que... Moi, je vois souvent des mariés qui me disent « Non, c'est trop cher, on va demander à tonton Roger de faire les photos, il a un joli appareil. » Bon, on ne se marie qu'une fois. Enfin non, pas toujours une seule fois, mais bon, disons que... Faut pas se rater non plus. Faut pas se rater, comme tu le disais, comme l'adage dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Je pense que le matériel ne fait pas le photographe. C'est tout un travail, toute une sensibilité, tout un regard qui se forge avec le temps, avec l'expérience, comme on l'a vu, à travers cette émission. Et je pense que c'est sur cette note qu'on va tout doucement pouvoir s'arrêter. Et avant de se dire au revoir, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée. Donc on retrouvera à partir de 20h l'émission Jukebox, puis à 23h Rock à la Casbah, et sinon on se retrouvera demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera bien entendu en podcast sur notre site radiogemozo.eu, émission et rediffusion rubrique l'heure des loups, ou sinon sur notre page Radio Gemozo, je vais y arriver, et comme je l'avais dit, hein, tes sites internet, page Facebook, profil seront bien entendu indiqués avec le podcast sur la page Facebook et le site internet. Et comme demain c'est vendredi, après la rediffusion, ce sera la chronique de Mathilde, puis la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et comme demain c'est vendredi, qui dit vendredi dit billet de sortie, les auditeurs ont l'habitude. Donc on se retrouve demain soir 18h pour savoir ce qui va se passer le week-end et la semaine prochaine dans les Vosges. Thierry, merci beaucoup pour toutes tes informations, pour nous avoir ouvert les portes de ton métier. Puis merci aux auditeurs d'avoir suivi pour leur petit coucou, leur petit retour. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'étais très contente de faire cette émission avec toi et je te souhaite beaucoup de courage pour ton expo de demain et pour la suite de ton activité. Merci Lou. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain même heure sur le 107.